Atalanta. Encore. Encore. Encore. Bah, franchement, on peut y aller. Ah, Courage de tomber amoureux. Ça, c'est magnifique. Comme un petit corps sexy là. Criez quelque chose, on mettra tout en place. Ouais. Non. Assieds-toi dans les chaleurs de mes vagues et puis de les rayons. Va, va, va. Moi j'aime quand il pleut. C'est bien. Enfin, globalement, j'aimerais juste venir et puis être content. Ouais. Bon, on y bosse, quoi. On y bosse. Oh là là là là. La vie me débute ce matin. Bon, ça va passer. Bratislava jusqu'à maintenant, c'est un petit peu comme un cul dans la gloire, dans une chambre d'abord. Je pense bien pas un peu de machin, un petit peu plus cool que ce que je vis. De ce que je vis, c'est de la merde. On dit qu'il y a une espèce de source bouillie d'identité des Européens, un manque de sexe et de topos. Ça me dégoûte un peu autant que ça m'attire, même si j'avais même pas le temps, je me plonge complètement dans la vidéo, je suis pas fin là. Ouais. Écoutez les enfants. C'est eux qui sont dans le juste. C'est les seuls vrais génies que ils sont simplement un petit peu plus débrouillés que ça va quoi. Globalement, on dit que il faudrait toujours un petit peu essayer de développer ses points forts. T'arrives, puis tu réfléchis un peu, puis tu prends tes bons côtés, puis t'en fais un truc. En ce qui me concerne, c'est simplement l'absence de talent. Merci. Ah mais j'arrive à la fin.